Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop, amateurs d'arts martiaux, à vos DVD. Thaïlande, 15e siècle. Prisonnier de marchand d'esclaves qui compte se débarrasser de lui en le livrant au crocodile, le jeune Tien est sauvé par le mystérieux Chernang, commandant des bandits de Garuda. Sous son aile, l'enfant va bientôt apprendre à maîtriser une multitude d'arts martiaux, les techniques guerrières et le maniement de nombreuses armes blanches. Il a une grande destinée et il a des mains solides. Confiez-lui n'importe quelle arme et il pourra conquérir le monde à lui seul. Voilà de quoi te défendre. Ta vie est entre tes mains, jeune guerrier. Ong Bak 2, la naissance du dragon. De et avec Tony Jaa, ça castagne à tous les coins de rue dans ce DVD Foxpater Repas.